se présentent. Certains descendent, quelqu'un, que ce soit une équipe de foot qui perd, ou un chômeur qui sans emploi erre. Pas trop vieux, souvent chérie, ça ne sert à rien. On préfère ceux qui pensent sans faire semblant, respecter son prochain. Gardant le ton, je vais passer du chien au...